Est-il des mots criés, déchirant le silence? Est-il des bras tendus, délivrant de l'absence? Qui saurait mesurer au déclin de ses pas cet exil qui s'étend où l'on ne revient pas? Paradis neuf auquel toujours tu crois, faute d'aimer en frère expire sur la croix. Oh, oh. Cet exil qui s'étend d'où l'on ne revient pas.